Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg-Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. La série mondiale est ce soir et on retrouve d'abord à Los Angeles où il fait à peu près, on annonce 38 degrés pour le début de la série mondiale. Mark Griffin, salut Mark. Mark, est-ce que t'es là? Salut. Oui, salut. Et Bruno Boudreau, notre collaborateur de baseball. Salut Bruno. Oui, je réponds. Salut. Oui. OK. Marc, d'abord, il fait 38. Je veux te parler avant tout du papier de Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada où il parle de la nouvelle gestion des Dodgers de Los Angeles. Martin qui parle évidemment que c'est un ancien président des Hawks d'Atlanta et par la suite est allé avec les Braves d'Atlanta et il a également fait de l'excellent travail, permis aux Braves de remporter évidemment plusieurs championnats et il y a 3-4 hommes de baseball dont Alex Anthopoulos. Est-ce que c'est la nouvelle gestion de l'avenir dans le monde du baseball? Parce que je regarde ça puis c'est vraiment intéressant. Marc, vous savez, les organisations cherchent toujours des manières de diriger leurs équipes. Et regardez ce que les Astros ont fait. On a engagé des gens de la NASA, on a engagé des gens pour analyser. Les Dodgers, eux, sont allés dans une autre avenue où on va vraiment mettre différentes personnes dans différents dossiers baseball. Et écoute, est-ce que c'est l'avenir? Peut-être. En fait, c'est le fun de voir que ça a fonctionné pour les Dodgers, une première présence depuis 1988 en série mondiale. Il y a certainement quelque chose là, parce que une chose est certaine, c'est que même si les Dodgers ont toujours eu les moyens financiers, c'est la première présence en série mondiale depuis 30 ans. Donc, c'est pas parce que tu as des moyens financiers que tu es nécessairement bon à gérer un personnel baseball. Alors là, on semble avoir mis les éléments en place pour que ça fonctionne enfin. OK. Bruno, si tu regardes ça, 5 championnats consécutifs, c'est les Dodgers, vraiment, là, avec ces rendus-là, c'est incroyable aussi, là. Oui, puis en fait, avec aussi ce nouveau groupe de propriétaires qui est arrivé il y a une couple d'années, qui a un peu changé la dynamique autour de l'équipe. Mais l'autre chose avec les Dodgers, puis ce que moi j'ai remarqué en tout cas cette année, c'est que on a senti l'équipe, puis pas juste l'équipe sur le terrain, mais même l'équipe dans l'organisation au grand complet, prêt à faire un pas en avant, ce qu'on avait peut-être pas vu au cours des dernières années. Il y a eu des changements aussi, tu sais, des changements qui sont peut-être somme toute mineurs, mais on a vu des gars comme Vince Scully, par exemple, se retirer au niveau du broadcast de l'équipe, des éléments comme ça. Et ça a amené une nouvelle garde, et des fois, ces changements-là, un peu partout dans l'organisation, autant dans le personnel, ça peut être des instructeurs, ça peut être au deuxième étage, un peu partout. Je pense, entre autres, aussi à l'arrivée d'un gars comme Alex Anthopoulos, on a vraiment renforcé tout notre personnel baseball. Donc, on a pris plein de petites décisions au cours des années. Oui, on gagnait des championnats, oui, on est en série, mais on a toujours l'impression que les enjeux, il manquait un petit quelque chose pour faire le pas en avant. Puis je pense que cette année, c'est tout ce mélange de décisions-là des dernières années qui a pris ensemble et qui a amené l'équipe à la série mondiale. Hey, Marc! Première série mondiale depuis 1970 où les deux équipes ont remporté 100 victoires. Je regarde les Dodgers et les Astros. Je regardais tantôt sur CBS Sports un petit peu les pronostics des analystes. Et on semble y aller avec les Dodgers en 5, en 6. Moi, je pense que ça va aller en 7. Es-tu d'accord avec moi? Ça va être une très, très longue série. Ce que les amateurs, ce que les insiders disaient, c'est que les Dodgers sont reposés. Et de la manière qu'IGN joue avec son enclos de relève, c'est pas très rassurant pour la suite des choses. Ben, écoute, je vais te répondre il y a quelques questions dans tout ça, mais certainement que c'est surprenant de voir que c'est une première série mondiale depuis 70 avec deux équipes qui ont remporté 100 matchs et plus. Et probablement qu'il y a, un effet aussi de fatigue. Ce que je veux dire, c'est que parfois, que lorsque tu as des saisons extraordinaires, on a l'impression que tu arrivais en série et les équipes étaient fatiguées. Il y a des joueurs qui, à un moment donné, n'étaient plus capables d'en tenir. Là, on a semblé bien gérer ça nécessairement du côté des Dodgers et des Astros de Houston. Tant mieux. C'est le fun de voir des équipes qui ont du succès en saison se poursuivre en série. C'est vrai que les Dodgers sont mieux reposés. Kershaw est en pleine possession de ses moyens. Darvish, qui a selon moi besoin un peu de repos, lui va être reposé également. Alors, il y a des éléments en place qui forcent d'admettre que les Dodgers ont un léger avantage, mais faut pas oublier ce que les Astros ont fait, là. Puis moi, je pense que c'est effectivement, comme tu as mentionné, une série beaucoup plus serrée que ça puisse paraître là au départ. On a quand même la meilleure attaque du baseball qui va affronter le meilleur personnel de lanceurs de la Ligue nationale. Donc, c'est vraiment un duel où, si les forces sont exploitées, je vais dire une chose, ça peut être extrêmement serré, parce que si ça frappe moindrement et qu'on est capable un peu de percer la muraille de cette relève des Dodgers, ben ça pourrait créer une série fort intéressante. Là. Ouais, Bruno, si la série 2-3-2, tu débutes avec Dallas Keuchel et Justin Verlander, 1-2. L'objectif des Astros, c'est d'aller en chercher une à Los Angeles pour le début de la série? Oui, en fait, quand tu regardes ça, puis la série de la championnat de la Ligue américaine, on l'a vu, les deux équipes qui étaient là, les Astros et les Yankees, les deux vont avoir terminé. Ben, en fait, du côté des Yankees, c'est terminé. Ils ont été 6-0 à domicile dans les séries. Puis du côté des Astros, c'est la même chose. Ils ont remporté leurs 6 matchs dans les deux premières rondes. Et si tu réussis à aller chercher un match à Los Angeles, et tu retournes à la maison à 1-1, t'as pas encore perdu sur ton terrain dans les séries. C'est une situation qui est très, très intéressante du côté des Astros. Maintenant, la question, c'est à savoir, là, t'as envoyé peut-être tes deux meilleurs lanceurs partant. C'est qu'est-ce que tu vas faire après? Parce que Marc avait un très bon point. Le personnel de lanceurs des Dodgers, c'est probablement le meilleur personnel de lanceurs de la Ligue nationale, mais c'est aussi, à mon avis, probablement le meilleur personnel de l'ensemble partant et le meilleur personnel de relève. C'est pas le meilleur personnel dans l'ensemble, mais des fois, tu peux avoir une équipe qui a des petites faiblesses à quelque part ou dans le personnel. Mais quand tu regardes du côté des Dodgers, tu as trois lanceurs partant extrêmement dominés avec Kershaw, Hill et Yu Darvish. Les Astros connaissent Darvish, mais quand même, ça reste que c'est trois lanceurs extrêmement dominants. Ensuite, tu peux avoir la relève moyenne, le middle relief. C'est un gars comme Kenta Maeda, qui est un lanceur partant au cours des deux dernières années, qui peut te lancer plusieurs manches. C'est un gars comme Brandon Morrow, lancé des Blue Jays, qui est à peu près intouchable, maintenant, qui lance juste deux lancers. Puis t'as Kenley Jansen, qui a probablement la meilleure balle rapide coupée depuis Mariano Rivera. Fait que tu regardes ça du premier lancé au dernier lancé, dans chacun des matchs. Et puis même si tu vas avec ton quatrième partant avec Alex Wood, il est bien meilleur à ce que les Astros offrent, derrière, Kukul et Verlander. Donc, dans l'ensemble de l'œuvre, sur la longue série, l'avantage vaut aux Dodgers de ce côté-là. Et c'est pour ça que c'est important pour les Astros d'aller chercher des matchs à Los Angeles, parce que si jamais t'es pas capable d'aller chercher un des deux premiers matchs puis tu reviens à la maison, la profondeur de la rotation des Dodgers va finir par te rattraper. Puis plus tu vas avancer dans la série, plus ça va être difficile de revenir et d'aller gagner ces matchs-shit et ces matchettes-là à Los Angeles, où là tu vas faire face aux meilleurs lanceurs encore une fois dans chacun des matchs. Donc moi, à mon avis, c'est impératif pour les Astros d'aller gagner un des deux premiers matchs. Ils sont pas capables d'aller chercher ça. Je vois pas du tout comment ils pourraient gagner cette série-là. Marc, est-ce que le retour de Corey Seager va être un rouage très important? Ça, c'est, il était blessé, il revient pour la série mondiale. Oui, absolument. Dans le cas de Seager, je l'ai vu hier prendre part à un exercice en défense et au bâton. Il avait l'air très, très à l'aise. Alors, ça semble très encourageant. Mais on va surveiller. Moi, je trouve que c'est quand même une blessure où ça peut revenir assez facilement. Là, parce que, bon, évidemment, il y a eu le repos lors de la série championnat. Là, mais ça reste que Seager est un élément très important du rôle offensif. Et même si on l'a remplacé de belle façon face aux Cubs, vous savez, c'est un gars sur qui on doit compter en attaque, autant en défense également. C'est le fun parce que c'est vraiment une série où on va voir, on pourrait dire Bellinger, Seager, même je vais impliquer Chris Taylor dans ça, face à des gars comme évidemment Altuve, Correa et Springer. On a des jeunes joueurs là qui sont très, très athlétiques, qui ont démontré de belles choses. Il y a de la puissance. Vraiment, je pense qu'on va avoir droit à une série où on va voir le meilleur du baseball, autant en défense qu'en attaque. Et Bruno a parlé évidemment des prouesses qu'on pourrait voir au Monticule. Alors, je trouve que la table est mise pour une très, très, très belle série mondiale qui va jouer dans des conditions idéales ici à Los Angeles, évidemment, un stade fermé à Houston. Donc, du baseball du mois d'octobre où on n'aura pas à se préoccuper du temps froid ou des lanceurs qui ont de la misère ou des frappeurs qui ont des ennuis avec le froid. Ça va être vraiment du très, très bon baseball joué dans des conditions pratiquement parfaites. Hey, Bruno, tu as une question pour Marc. Vas-y. Oui, en fait, Marc, je me suis préparé une question. J'espérais qu'on ait peut-être le temps de la couvrir. En fait, tu t'es promené pas mal au cours des dernières années avec avec RDS pour couvrir les séries mondiales. Plusieurs gros marchés, Boston, Chicago. Ça a été l'année passée avec la série mondiale, les Indians qui tentaient de mettre fin à leur disette, les Cubs aussi. Comment c'est l'ambiance du côté de Los Angeles? C'est que ça reste quand même aussi un très, très gros marché de baseball, un marché naturel. Comment tu vois l'ambiance jusqu'à maintenant depuis ton arrivée là-bas? Écoute, c'est vrai que c'est un gros marché. On voit la différence souvent hein, dans des villes, des plus grandes villes, par exemple. Je me souviens, lorsqu'on avait couvert la Série mondiale entre les Mets et les Royals, où on sentait pas nécessairement que New York était totalement derrière ses Mets. Mais là, dans des marchés un peu plus restreints comme Kansas City, Cleveland, là, on sent vraiment la ville derrière. Mais je vous dirais que il y a pas mal de bleu ici à Los Angeles. Okay. Tout le monde parle de cette Série mondiale. Et j'ai l'impression que les gens sont un peu tannés de parler que de 1988. Ça a été le fun, la Série mondiale de 88, mais on a hâte de passer à autre chose du côté des Dodgers et des gens de Los Angeles. On a hâte de célébrer une nouvelle équipe gagnante ici. Et on est très, très, très confiants avec Kershaw, évidemment, et Jensen, et évidemment, les Seager Bellinger. On est vraiment très confiants ici à Los Angeles que c'est l'année des Dodgers après 30 ans du circuit de Kirk Gibson qui a fait tant jaser. Ouais. Hey, Bruno, il y a des impondérants à vous aussi. Est-ce que, et puis je vais la poser à Marc aussi, Houston a été quand même touché de très très près par les inondations. On a tous vu ça, probablement la pire catastrophe depuis Katrina. Est-ce que ça pourrait être un impondérable dans cette série mondiale? Les Astros seraient peut-être motivés. Ben, en fait, c'est sûr qu'ils sont motivés. Moi, je vois ça vraiment comme un moment important du côté des Astros depuis le début de la saison, puis même avec le début des séries. L'équipe est invaincue à domicile. Il y a un apport, vraiment, une énergie qui a été amenée par cet événement-là. Les gens se rassemblent dans des situations de crise comme ça. Généralement, c'est une force de l'être humain de se rassembler. Fait qu'on sent vraiment qu'il y a un vent derrière l'équipe et que l'équipe a vraiment embrassé cette situation-là. J'écoutais Justin Verlander en parler. Il vient juste d'arriver à Houston, mais il a vu l'impact sur la ville. Il a vu l'émotion que ça a apporté au niveau des joueurs dans l'organisation. Donc, souvent, un vétéran comme ça aussi capable d'amener cet élément aussi d'expérience pour gérer ces situations-là qui sont, somme toute, vraiment très, très stressantes. Fait que c'est sûr que ça devient un élément qui est un boost, entre guillemets, du côté des Astros. Mais je pense que Marc l'a aussi bien mentionné. Du côté des Dodgers, il y a vraiment un souffle nouveau vraiment derrière le fait qu'on veut se retirer vraiment de cette image de 1988-là. Et c'est ce qu'on a entendu parler énormément, même par les médias, depuis le début des séries. Si on regarde différents reportages sur les différentes stations américaines, entre autres, on a revu énormément, et on va le revoir encore, attendez-vous de ça, dans la série mondiale, le fameux circuit de Kirk Gibson et tous les déboires que les Dodgers ont connus. Faut pas oublier aussi, depuis ce temps-là, dans les années 2000, avec Eric Gagné, avec un jeune Russell Martin, l'équipe s'est souvent présentée en série, ça n'a jamais donné vraiment de succès. Alors là, on sent vraiment que les Dodgers sont en mission également de passer à cet autre niveau-là. Donc, oui, pour les Astros, ça crée un élément d'impondérable important pour un ralliement autour de l'équipe, mais je pense pas que ça leur donne nécessairement un gros avantage sur les Dodgers du côté émotion. Les deux équipes sont en série mondiale, sont en mission. Marc, t'étais dans une chambre de joueurs, toi. Ce qui est rendu là, ça peut être un boost aussi. T'étais... Ben, vous savez, il y a toutes les formes de motivation au monde lorsqu'on arrive dans des matchs aussi importants. Sauf qu'à quelque part, tu sais, faut que tu attrapes la balle, tu frappes la balle, tu lances la balle. Je veux dire, ça devient un sport. Donc, on a beau se motiver de n'importe quelle façon. Et je sais que les gens de Houston sont derrière leur équipe et les joueurs le sentent. Mais à la fin de la journée, faut que tu lances des prises, faut que ta courbe fonctionne, faut que tu mettes la balle en jeu comme frappeur. Donc, il n'y a pas de lien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que On se prépare, comme je l'ai mentionné, puis c'est vrai que bon, Houston, on aurait besoin de ce baume-là là, pour les gens qui ont subi tous les traumatismes via cet ouragan, mais ça reste que c'est un sport qu'il faut pratiquer puis qu'il faut, faut exécuter. Alors, on a beau avoir toutes les sources de motivation, ça va se passer sur le terrain. OK. Marc, ta prédiction. Ben, vous savez, moi, j'ai encore un petit peu de Dodger Blue dans moi, étant donné que, vous savez, c'est l'équipe qui m'avait signé lorsque j'étais tout jeune. Et je vous avouerai qu'en arrivant au Dodger Stadium hier, c'est encore très fort, cette relation-là. Nonobstant ça, je vous dirais que c'est une série qui devrait aller en 6 ou 7, je l'espère, mais je vais avantager les Dodgers à ce niveau-là. Bruno? Ben, en fait, je suis à la même place que Marc sur la prédiction. Je vois que les Dodgers aussi en 6. En fait, je pense que la grosse différence, on a parlé beaucoup au niveau des lanceurs, je pense que côté des Astros de Houston, on l'a vu dans la série contre les Yankees, lorsque les bâtons sont venus un peu plus froids, ça a été difficile, on a vu les ennuis qu'ils ont connus en relève, dans certains matchs serrés, ils n'ont pas été là, puis l'autre chose aussi avec les Astros, ils ont subi des défaites violentes, des défaites difficiles depuis le début des séries, ils ont été battus 10-3 à Boston, ils ont été battus 8-0 à New York par les Yankees. T'as pas vu ça du côté des Dodgers de Los Angeles. Ils ont perdu un match du côté de Chicago, mais c'était un match quand même relativement serré. Donc, je trouve que ça en parle beaucoup aussi au niveau de l'équipe. Ça veut dire que dans les situations serrées, dans les matchs qui demandent vraiment de gagner par peu de points, on l'a vu tout le long de la saison, les Dodgers, ce sont des matchs qui sont capables d'aller gagner. Je dis pas que les Astros ne sont pas capables. Ils ont démontré qu'ils étaient capables de faire. Mais c'est plus une équipe qui est enclin d'aller gagner des matchs à haut pointage. Puis souvent, quand t'arrives tard dans la saison, dans les séries, les lanceurs prennent un peu l'ascendant. Pour cette raison-là, j'irai favoriser les Dodgers en 6 comme Marc. Ben, messieurs, très intéressant. Marc, on t'écoute à compter de 19h30 en direct du Dodger Stadium sur les ondes de RDS2 ce soir parce qu'il y a du hockey. Et on se reparle un autre tantôt. Merci, les gars. OK, Bruno Boudreau, on s'en parle vendredi, nous, pour l'actualité dans le monde du sport et dans le baseball. Parfait, merci, Dan. Bruno et Mark Griffin qui nous parlait de la série mondiale.